Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. On va parler avec notre ami Nicolas Saint-Pierre, descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa. Grosse rumeur cette semaine, ça m'a fait rire en fin de semaine, que Patrick Roy pourrait diriger les Sénateurs d'Ottawa. On va en parler avec le descripteur Nicolas Saint-Pierre, voir ce qu'il en pense. Salut Nicolas! Salut Danny! Nicolas, tu crois-tu à ça? Ben, tu y crois-tu? C'est que, où j'y crois, c'est qu'en ce moment... On doit admettre une chose, c'est que Patrick Roy n'a pas nécessairement besoin de quoi que ce soit au point de vue financier. Ben oui. Et connaissant ce que peut, selon certaines rumeurs, offrir les Sénateurs au point de vue pécunier, je pense qu'on parle d'un des plus bas salaires, sinon le plus bas potentiellement salaire pour un coach okay, l'année prochaine. Or, ce que les Sénateurs ont dans leur pitch de vente à Patrick Roy, et probablement que c'est ce dont on parle, un pitch de vente, c'est que eux autres, ils ont le golden ticket. Ils ont la possibilité de redonner accès à Patrick Roy, à la Ligue nationale de hockey. Et je pense que ça, c'est un point à ne pas négliger. Le fait que Patrick Roy lui-même ait accepté de rencontrer Pierre Dorion, ben, ça montre qu'il y a de l'intérêt à ce niveau-là. Où j'y crois aussi, c'est que je me souviens d'une conversation où j'ai eue avec un membre un joueur des Sénateurs qui me disait que pour lui, ça prend un nom. Ça prend quelqu'un qui a joué la game, ça prend quelqu'un qui a gagné à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les milléniaux, la nouvelle génération de joueurs demandent toujours des questions. Pourquoi tu me demandes de faire ça, coach? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Alors, on doit leur donner des réponses. C'est sûr que le message passe mieux quand le jeune fait face à un gars qui a tout gagné devant lui. Alors, oui. Je pense que cet argument-là est énorme, puis c'est sûr que c'est un avantage. Et c'est là, à ce niveau-là, que je peux y croire et on doit y croire pour Patrick Roy. Mais moi, la question que je me pose quand je regarde ça, j'ai dit pourquoi Patrick Roy irait diriger une équipe dont l'organisation est dysfonctionnelle. Tu sais, tant qu'il y a aussi longtemps que Jim Melnick va être là, j'ai l'impression. Tu sais, cette organisation-là, elle manque de notoriété. Ouais, pourquoi Patrick Roy irait là? On peut comprendre, puis encore, ce que je dis, c'est que tu as peut-être une bonne raison à ce niveau-là, mais c'est encore l'accès à la Ligue nationale de hockey. Et pourquoi? Ben parce que la passion est toujours là. Puis pourquoi? Parce que c'est un beau projet, le programme des Sénateurs en ce moment. Reconstruction, oui, mais avec tous les choix qu'on a en banque pour les trois prochaines saisons, incluant cette saison-ci, puis avec tous les choix en ce moment qui sont en ce moment Ligue nationale de hockey ou qui cognent à la porte à la meilleure ligue au monde, je pense que c'est un très beau projet pour quelqu'un qui est capable de manœuvrer dans tout ça. Et pourquoi il s'amènerait? Ben, si on lui donne carte blanche. Je pense que tu parles beaucoup de M. Melnick, puis je comprends qu'on peut lui donner tous les problèmes du monde, mais l'initiative de vouloir implanter un président, je pense que pour moi, c'est une façon, un outil pour séparer un peu le propriétaire de son marché en raison de toutes les tergiversations dont on connaît maintenant l'issue et tout ça. Alors, je pense que c'est quand même une belle chose. Puis, honnêtement, le rôle de président, plus on en sait maintenant, plus on veut que ce ne sera pas un rôle décisionnel au point de vue hockey, mais plus une façon de faire le trait d'union entre le club et, évidemment, son marché. Alors, je pense que M. Melnick aura peut-être un rôle moindre éventuellement. Puis, encore une fois, si on met les barres CD puis les points CI puis qu'on donne carte blanche au point de vue décisionnel, au niveau de la glace pour Patrick Roy, ben, je pense qu'il y a certainement des chances de le voir. Là. Il arrive quoi, d'ailleurs, à Ottawa avec Pierre Dorion? Mettons que Patrick arrive, là, il arrive quoi avec Pierre Dorion? Ben, c'est là qu'il doit absolument, puis on connaît encore une fois la nature très forte, le tempérament très fort, puis il prend de la place, puis ouais. C'est un nom. Mais Pierre Dorion, lui, en établissant les bases, puis les objectifs, puis également les cas dans lesquels lui peut prendre des décisions, puis évidemment le rôle de chacun. Je pense que lui se donne des outils pour justement de se donner des bons paramètres, puis ça, également se donner une part du spotlight, on va le dire comme ça. Mais encore une fois, ben, je pense que le rôle n'est pas amoindri de Pierre Dorion. On s'entend que dernièrement, puis je remonte au règne de M. Murray du temps, c'est que la tendance chez les Sénateurs, c'était de s'amener avec un entraîneur qui n'avait pas nécessairement de millage. Au niveau de la Ligue nationale de hockey, je pense que la formule maintenant a fait son temps ici, puis ça n'a pas fonctionné nécessairement. Il y a eu quelques beaux projets, mais jamais rien de continuant. Alors, c'est peut-être maintenant le temps de passer à d'autres choses, c'est-à-dire des noms. Je pense que Patrick Roy et Jacques Martin font certainement là, partie de la haut de la liste pour les candidats. Est-ce qu'il faut placer Patrick Roy numéro un, favori, au moment où on se parle? Ouais, pas nécessairement, mais il y a plusieurs façons de voir les deux candidatures. Puis si je m'attarde encore une fois à Jacques Martin puis avec Patrick Roy, parce que tant qu'à moi, c'est les deux seules candidatures qu'on devrait retenir. Écoute, je pense que pour revenir à la question, je pense que Jacques Martin pourrait amener son millage de notoriété, puis à part de ça, et là je m'excuse, j'ai perdu un peu le fil de la question, puis je voudrais que tu reviennes un peu. Est-ce qu'il faut placer Patrick Roy numéro un? Ok. Favori, pas nécessairement, parce qu'encore une fois, si on voit ça de plusieurs angles, si on parle du point de vue pécunier, c'est sûr que de ramener un certain intérêt pour le marché d'Ottawa avec Patrick Roy, on atteindrait cet objectif-là, d'amener le buzz, d'amener justement un peu plus d'attention, mais également plus de personnes, d'achalandage en amphithéâtre. Je pense qu'on gagnerait, on ferait une pierre deux coups à ce niveau-là. Mais si on parle du point de vue de l'expérience et du point de vue, comment je pourrais dire ça, là, enseignement, je pense que Jacques Martin aussi peut faire partie du haut de la liste. Alors, c'est un, pour reprendre l'expression en anglais, là, 1A, 1B, 1A, 1B, là, alors je te dirais 1A+, puis 1A++. Okay. Alors, autant l'un que l'autre pourrait faire partie du haut de la liste. Je peux pas me prononcer à 100%, mais je veux dire que c'est deux cas intéressants qui doivent faire partie des deux derniers, tant qu'à moi, rencontrés, parce qu'on dit Pierre Dorion, dans une deuxième entrevue, va retenir seulement deux candidats. Ben, je pense que d'ores et déjà, on doit établir que ce soit ces deux-là qui doivent être retenus. Il y a deux gars que je veux, en fait, trois que je veux te parler qui ne semblent pas être du tout dans les candidats. Puis c'est surprenant un petit peu. Tu as parlé qu'ils n'ont pas d'expérience en Ligue nationale, c'est vrai. Il y en a un qui a l'expérience comme adjoint, André Tourigny avec les 67 d'Ottawa, qui a fait toute une job avec les 67. Benoît Groulx avec les Crowns du Syracuse, qui est un gars de Gatineau, si je ne m'abuse, qui est filiale de Lightning de Tampa Bay, qui, lui, je pense que ce serait le temps qu'il ait sa chance dans la Ligue nationale. Et tu as Bob Hartley. C'est Bob Hartley qui est dans KHL, qui a connu passablement de succès. Est-ce que c'est trois gars qui... C'est surprenant qu'ils ne sont pas quand même ni un ni l'autre des candidats, hein? Dans le cas de Bob Hartley, rappelons une chose, c'est que M. Murray l'avait avoué lui-même, une des plus grandes gaffes qu'il avait effectuées en tant que directeur général, c'est de ne pas avoir donné le poste d'entraîneur-chef à Bob Hartley. Je pense que c'est dans le temps qu'il avait choisi là, Craig Hartley à ce niveau-là. Ouais. Je pense que le train de l'occasion, puis le train de l'opportunité vient de passer, puis le train vient de passer par M. Hartley sans lui manquer quoi que ce soit de respect. Mais je pense que son temps en Ligue nationale d'hockey est révolu. Puis ça, c'est mon humble opinion. À part de ça, ben, tu me parles de André Tourigny. André Tourigny a certainement là démontré qu'il est capable d'évoluer en Ligue nationale de hockey. Je pense que son temps est peut-être venu de penser à un poste d'entraîneur-chef. Ça ne se fera pas, je vous le garantis, avec les Sénateurs. Je suis allé un peu à la lumière, puis j'étais un peu gratté le sujet dernièrement. Et je suis pas prêt à dire que ça s'est terminé en bon terme, son premier passage avec les Sénateurs. Ouais. Dans le cas de Benoît Groulx, ce qu'on me rapporte, c'est lors de l'entretien, je veux dire, de la première embauche d'entraîneur-chef avec Pierre Dorion comme directeur général, il était passé à l'entrevue. Et on me dit que sur la panoplie, je pense que c'est entre 10 et 11 candidats qu'on a retenus, c'était une des dernières parmi les performances qu'on avait évaluées là, chez Benoît Groulx. Puis c'est rien d'enlever à Benoît, parce que je reconnais encore une fois que certainement son temps va venir et va arriver à la Ligue nationale de hockey, mais des fois c'est juste une question d'atome crochu, puis on ne semble pas avoir trouvé justement des paramètres entre la direction et Benoît Groulx. Alors pour les trois candidats que tu m'avances, je pense que malheureusement, on ne peut pas penser à des candidats qui cadreraient avec la réalité des Sénateurs. OK. Nicolas, on va faire une pause. Je veux te parler de Matt Duchesne. Tu connais bien. Beaucoup d'amateurs du Canadien le voient dans sa soupe. Je veux savoir ce que tu en penses. Vous êtes à l'écoute de notre avec Nicolas Saint-Pierre sur les ondes de DonaldoSport.com. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel Saint-Félicien, 88 679 41 94. On est de retour à danradiosport.com. Nicolas, Matt Duchesne est joueur autonome actuellement. Il a connu quand même des bonnes séries éliminatoires avec les Blue Jackets de Columbus. Beaucoup de monde le voit à Montréal. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je me dis qu'avec les joueurs de centre qu'on a à Montréal, pourquoi mettre 10 à 12 millions, 7-8 millions sur Matt Duchesne alors que tu as trois bons joueurs de centre avec Pelling, Kotkaniemi et également Suzuki qui s'en viennent. C'est que tu en penses. Puis il me semble que c'est le genre de gars que dès qu'il va avoir signé son contrat, qu'il va s'asseoir sur son steak. Puis j'ai parlé du cas de Matt Duchesne encore une fois récemment, puis concernant son tempérament et tout ça. Puis je me suis peut-être fait une idée préconçue du bonhomme, puis je me disais que c'était un spécial, puis c'est pas nécessairement un tempérament rassembleur. Je pense pas qu'à la base ce soit une mauvaise personne, mais je ne crois pas honnêtement que c'est le genre de gars sur lequel on peut bâtir une équipe. Et je pense qu'on m'a confirmé ça encore une fois dans une discussion que j'ai eue à bâton rompu avec un gars qui a œuvré autour de Matt Duchesne. C'est que Matt Duchesne a une notoriété, puis Matt Duchesne est peut-être maladroit dans sa façon d'agir avec certains membre de sa formation. Puis ça, malheureusement, ben c'est le naturel. Puis donc, c'est dur à remanier. Pour ce qui est d'un candidat potentiel pour la ligne de centre avec le Canadien, ben pour connaître que Matt Duchesne a un talent qui, dans la zone offensive, en bas des cercles, je pense que c'est un bonhomme qui est capable de manœuvrer dans des espaces très, très serrés. Puis on doit reconnaître ça. C'est un joueur exceptionnel. Puis si on veut se donner, justement, un joueur ou un outil pouvant permettre à ce programme-là de passer à l'échelon supérieur, ben, je pense que vous avez un véritable centre numéro un entre les mains. À savoir si lui voudrait s'en aller avec le Canadien de Montréal, ben certains, rapportent l'histoire du chandail de hockey et tout ça, puis une grande admiration pour le Rocket. Mais je pense pas que ce soit ça qui va faire la différence entre choisir le club ou non. Je sais pas si on peut faire un parallèle avec John Tavares qui l'a vécu avec le centre, avec les Maple Leafs de Toronto, mais c'est un joueur, qui fait partie des joueurs, en tout cas, faisant partie du top tiers au niveau du centre à cette position-là. On prend un risque certain. Il faut également se poser la question, est-ce qu'en lui accordant un contrat à long terme, c'est-à-dire 7 ans, dans le cas d'une équipe qui va se porter acquéreur de ses services, est-ce que c'est un risque à prendre du fait que est-ce que ton club va maturer en parallèle avec justement le contrat de Matt Duchesne, où on pourrait se retrouver avec un club qui fait du surplace avec un lourd contrat. Ah oui. Moi, c'est ça qui me fait peur. Carey Price et un Weber et tout ça. Alors, c'est un risque calculé. Mais si on veut parler d'un centre, le centre numéro un pour moi, oui, c'est certainement un joueur qu'on doit acquérir. Mais dans quelles circonstances, là, est la question? C'est surtout que tu prends 6, 7, 8 millions sur ton cap salarial pour 7, 8 ans. Il me semble que rappelons que c'est pas le plus grand des rassembleurs. Je vous le dis. Non, là, effectivement. C'est pas le plus grand des rassembleurs. Alors, c'est le risque que tu vas prendre. Est-ce que tu prends le risque d'avoir, oui, un joueur d'exception, mais qui ne sera pas rassembleur et qui risque de créer de la bisbille dans ton vestiaire? Et je pense, à moins de me tromper, que le Canadien est passé à travers une certaine bisbille dans un passé pas si lointain. Alors, c'est encore une fois dans ce potentiel-là qu'on pourrait peut-être avoir une bombe entre nos mains, mais ça sera la direction de savoir si on est capable justement de gérer tout ça. OK, effectivement. Nicolas, s'il y a quelque chose, on se rappelle. Si Patrick arrive à Ottawa, je te rappelle. Avec un grand plaisir. Nicolas Saint-Pierre, descripteur des matchs radiophoniques des Sénateurs d'Ottawa.